مستر يوغا تاغا بلفيل زوغا تازو بلفيل اول ستار ما جيل اش ال ام 3 Le petit chez moi, mais t'as grave du gras. Par c'est moi, j'ai passé Yuka Tabra. Big up à l'Imzuki qui viendra. VP que ce d'email, Kai Pamara. J'suis avec l'ancien au fond du quartier. Il me rappelle les années 2000. Bâtard, aujourd'hui c'est la drill. Bâtard, aujourd'hui c'est la drill. C'est fini l'époque où les petits respectaient. Maintenant j'ai l'opi dans le jean. Donc c'est normal que ça chine. Donc c'est normal que ça chine. Litron soqué, 5 me j'ai fermé. J'ai la tech, j'rentre même si c'est fermé. Ce matin, gros, ce qui j'ai encaissé. J'commence tout douce, big up Jimmy. Y'a pas de photo, y'a que des teutrés. J'traîne avec, pris les traits, mais blindé. J'suis un mec, là, je parle quand t'es. C'est devant chez t'as plus de compte, attendez. Casquette à l'envers et les bails se font. J'suis dans le 16, pas trop loin. Des champs, joue comme KB9 sous regard des champs. Fais des euros convertis en francs. Et je suis au TK, pas trop loin des faits. Nouveau gamin sous Paris et les gens. T'es le pétard et méchant, sinon on est gentil. Je propose bug et moula et olive. Au Pinel 13 qu'on m'a laissé ster. Pleurer c'est pas nécessaire. Un coup de lame et t'es plus de ce monde. C'est devant l'OPG qu'il fallait ster. Y'a que du neuf gens comme un Springfield. J'ai des frérots qui béton, ça va si vite. Je roule à pétou et ainsi de suite. Je roule à pétou et ainsi de suite. Chez moi, maintenant grave du gras. Par c'est magique, par c'est Yuka Tabra. Big up à l'MCU qui viendra. PP, Custom. Gilax, bonbon, ça part en fusion. Vas-y, viens, monte à bord de la fusée. J'ai du bleu dans mon biberon. Pas victime, j'suis sur le banc des accusés. On peut casser ta porte, on peut taper tes potes. À l'hôtel, on va taper ta pute. J'suis dans ta soirée que pour faire ma pute. Elle a mis, y'a que des 50 dans mon pull. On fait les choses carrées, ton équipe sur le carreau. En 24 carats, les gros au tarot. J'espère que t'es paré. On est trop paro, mort, j'ai cher sur Paris. J'vais me vider chez Carole. Personne va se séparer, donc fais tes paroles. Aujourd'hui, gros, c'est plus pareil. J'connais des mecs tarés qui peuvent faire ta tarole. On se connaît pas, donc j't'allume sur les tarots. On se connaît pas, donc j't'allume sur les tarots. J'suis toujours des terres sur le R comme l'Otaro. Le sourire au vrai, quand les pépettes arrivent. Ma chérie, j'dois bosser, donc j'vais rentrer tarot. Je découpe comme une machette, je lui sers comme une machine. Je dois trouver une cachette pour caler les machins. Si demain ça pète, obligé de prendre tes pattes. Jamais entre toi et moi, je mettrai une carte à ma pied. Je dois gratter ta part, je vais pas gratter. Maman, je suis désolé, tes larmes j'ai fait couler. J'sais même plus combien casser, j'ai dû détailler. Et dans ma chambre 250 que j'ai dû caler. Jeans, splash, Philly, blâme. Tu vas courir, voilà là. Demande pardon à ma Meno, t'es sur le macadam. Chez moi, maintenant grave du gras. Par c'est magique, par c'est Yuka Tabra. Big up à l'MCOK qui est viola. PP, Custom, El Kaifama. Et si les paroles suffisent pas, les âmes parleront. On fait blaire qu'on est bien, mais on est pas heureux. Je vis tout dans la bouche, gros, je m'en bats les reins. J'étais un poli, noir match, fais l'empoli. Quand je croise le regard de la police, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Plus le temps passe avec des comiques. Tu vois pas l'arrivée de la comète. Belleville, All-Star, deuxième, c'est qu'est qu'on commet. HLM 3, Fugataga. On vient faire mes clapets au commerce. Je peux payer ta mère pour qu'elle me fasse à graille. On est déter depuis l'époque du placenta. On va pas s'entendre, si toi dans mes routes t'essaies de passer un cap. J'représente les vrais, j'leur big up celle-ci. Mystery Buter, code 106. J'aime tes masters de Rolex Pepsi. Bête amateur de shit et de sensi milia. Héros de familia, c'est du ma'rouf, ain shor, c'est le mien. Tout le monde a du shit, mais le meilleur c'est le mien. Tout le bal que j'ai fait, je m'en rappelle quand bien. Trinque à la réussite, tous les soirs ça pire. Tu m'arrêtes pas de ballon, tu finis au la guille. Rachid et Moussa, ils ont pris plus que Guillaume. J'trouve que Belleville, ça fait loin de la guille. Quand t'es au placard, tu veux juste prendre l'air. Une fois libérable, il te faut le RR. Si je comprends bien, ouais, le R a doublé. Dans l'école de la rue, la juge te fait redoubler. On en a fait, on en fait, on en fait à du blé. On pilote la street, personne va nous doubler. Si on t'allume ta mère, on va pas te louper. Tu connais, y'a du shit, même en Guadeloupe. Contact marocain ou martiniqué, je viens pas à ta soirée, je suis parti niquer. Ah ouais, tu connais, on va pas communiquer. C'est le Zugatazu, c'est pas compliqué. Le petit chez moi, maintenant le crabe du que gras. Par c'est magique, par c'est Yuka Tabra. Big up à l'MCU qui viendra. PP, Custom, El Kaifama. Nath, mec, où ça?